France est un hôtel, pas plus. Et en fait, je m'en fous. On n'a pas de devoir par rapport à son pays. On n'a aucun devoir par rapport à son pays. On est des individus. Pas des citoyens, pas des citoyens, des sujets. On est des individus, tous. Soyez libres. Soyez libres. C'est important quand même. On n'a pas le droit de faire ça aux gens. On n'a pas le droit. Faites ce que vous voulez, fumez, buvez. Vous ne laissez pas emmerder. Vous ne laissez pas emmerder. Et soyez libres. Soyez libres. Devoir par rapport à son pays, on n'en a pas. Et en fait, je m'en fous.